Cheryl Lynn sur RGM, il est presque 8h37, on est toujours dans la matinale, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 11 mars 1950, naissance de Jerry Zucker, producteur réalisateur américain, producteur de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ou encore Sexe entre amis, réalisateur de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ou encore Ghost. 1957, naissance de Cheryl Lynn, chanteuse américaine. 1960, naissance de Christophe Gans, réalisateur, scénariste français, réalisateur du Pacte des Loups, de Silent Hill, de La Belle et la Bête, sorti en 2014, scénariste de La Belle et la Bête et du Pacte des Loups. 1961, naissance d'Elias Kotas, acteur canadien, vu dans La Ligne Rouge, dans le rôle du capitaine James Staros, shooter tireur d'élite dans le rôle de Jack Payne, L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Monsieur Gatto, et dans la série télé Chicago Police Department dans le rôle du détective Alvin Olinsky, ainsi que dans quelques épisodes de Chicago Fire, hein, quand les séries se croisent. C'est également l'année de naissance d'Éric Nolot, animateur télé, chroniqueur, écrivain, critique littéraire français. C'est aussi l'année de naissance de Bruno Podalides, réalisateur, acteur français, réalisateur de Dieu seul me voit, Versailles Chantier, récompensé par le César de la meilleure première œuvre. On lui doit également Le mystère de la chambre jaune, Bon public, et en tant qu'acteur, on a pu le voir dans L'élève du Cobu, Chocolat dans le rôle de Louis Lumière, ou encore dans le film Pupille, sorti en fin d'année dernière. 1962, naissance de Jeffrey Nordling, acteur américain connu pour son rôle de l'agent Larry Moss dans la 7e saison de 24 heures chrono et son rôle de Nick Bullen dans la 6e saison de Desperate Housewives, vu également dans Arrow ou encore Esprit criminel. 1964, naissance de Peter Berg, réalisateur, scénariste américain à qui l'on doit Very Bad Things, Hancock, Battleship ou encore la série télé Chicago Hope, La vie à tout prix. 1967, naissance de John Barrowman, acteur écossais, vu dans la série Titan dans le rôle de Peter Williams, la série Doctor Who et Torchwood dans le rôle du capitaine Jack Harkness, Desperate Housewives dans le rôle de Patrick Logan, la série Arrow dans le rôle de Malcolm Merlin, ainsi que dans Flash et Legend of Tomorrow. 1968, naissance de Lisa Loeb, chanteuse américaine, notamment connue pour son titre Stay I Missed You, dont on écoute tout de suite un extrait. You say I only hear what I want to. So all the time, so and I thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong, and now that I am leaving, now I know that I did something wrong, 'cause I missed you. Voilà pour l'extrait de Lisa Loeb. On continue les anniversaires. 1969, naissance de Terrence Howard, acteur américain vu dans Big Mama dans le rôle de Lester Vesco, Ray dans le rôle de Gussie McKee, Avif, Iron Man dans le rôle du colonel James Rhodes, le majordome dans le rôle d'Howard, la série télé Los Angeles Police Judiciaire dans le rôle du substitut du procureur Joe Decker, ainsi que Hawaii ou encore la série Empire dans le rôle de Lucius Lyon. 1971, naissance de Johnny Knoxville, acteur américain connu comme le co-créateur et principale vedette de la série Jackass. 1975, naissance d'Arnaud de sa mère, comédien et humoriste français, découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire, vu dans le film La Croisière et dans la série Nos chers voisins. 1978, naissance de Didier Drogba, ancien footballeur ivoirien ayant fait carrière de 1998 à 2018 en jouant à Le Mans, Guingamp, Marseille, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray SK, de nouveau Chelsea, à l'Impact de Montréal, et il Il a terminé sa carrière en jouant de 2017 à 2018 aux États-Unis pour les Phoenix Rising. 1979, naissance de Benji et Joel Madden. Benji Madden est guitariste du groupe Good Charlotte et son frère Joel est le chanteur du groupe. 1981, naissance de Latoya Luckett, chanteuse américaine, ex-membre des Destiny's Child. Et j'ai oublié de télécharger la musique des Destiny's Child, c'est pas grave, on l'écoutera une autre fois. En 1978, décédé Claude François, chanteur français. En 2010, décédé Merlin Olsen, ancien joueur de foot américain, acteur ayant joué dans la série La Petite Maison dans la Prairie, le rôle de Jonathan Garvey. Et on a appris il y a quelques minutes le décès de l'acteur américain Jed Allen, notamment connu pour avoir interprété le père de Steve Sanders dans la série Beverly Hills, série vraiment en deuil en ce moment. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec le groupe Good Charlotte et leur titre The Anthem. Le groupe Good Charlotte sur le 107 FM, un peu plus de 8h45, on fait un point météo. La météo. Il y a neigé un petit peu cette nuit sur les hauteurs vosgiennes. Si je regarde par la fenêtre, on voit un petit peu que les toits de Saint-Étienne sont un petit peu blanchis. Bon, il n'y a pas neigé partout. Actuellement, c'est plutôt des éclaircies, mais ce sera principalement une journée nuageuse avec de la pluie et peut-être même de la neige par endroit. Des températures comprises entre 2 et 4 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés pour cet après-midi. Mardi, ce sera des éclaircies, des températures comprises comprise entre 0 et 1 degré le matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour mardi après-midi. Mercredi, pluie, orage, neige, enfin voilà, c'est le mois de mars dans les Vosges. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés mercredi matin et entre 7 et 8 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le biathlon hein, et les championnats du monde qui ont lieu à Östersund en Suède. On parle du sprint dames qui a été remporté par Kuzmina devant la Norvégienne Trondevold et l'Allemande Laura Dallmayr. Côté français, c'était pas très joli hein, sur le sprint. La 23e place de Célia Emonier, 32e place pour Anaïs Chevalier, 60e place pour Justine Brezaz et 61e place pour Julia Simon, ce qui nous donnait 3 Françaises pour la poursuite. Or, il n'y en a qu'une qui a couru cette poursuite. Anaïs Chevalier et Justine Brezaz ont été préservées par le staff de l'équipe de France, comme il n'y avait rien à jouer pour elles. Seule Célia Emonier a participé à cette poursuite, remportée par l'Allemande Denise Herrmann devant la Norvégienne Thierry Lekolf et devant l'Allemande Laura Dallmayr. Célia Emonier a décroché une 18e place. Côté messieurs, c'est un petit peu mieux puisqu'on a 2 médailles en bronze et on les doit à Quentin Fillon-Maillet. La première a été remportée sur le sprint du moins. Le sprint qui a vu la victoire de Johannes Bö devant le russe Louginov, donc 3e place pour Quentin Fillon-Maillet, 5e place pour Simon Détieux, 6e place pour Martin Fourcade, à noter qu'il avait tiré à 10 sur 10, 20e place pour Antonin Guigonna et 24e place pour Émilien Jacquelin. Et la poursuite, messieurs, d'hier a été remportée par l'Ukrainien Pidrouchny devant le Norvégien Johannes Bø qui a complètement craqué, notamment sur le dernier tir debout. 3e place donc pour Quentin Fillon-Maillet, 4e place pour Tarje Bø, 5e place pour Martin Fourcade qui peut s'en vouloir puisqu'avec 2 fautes sur son premier tir debout, eh bien c'est une médaille qui lui passe sous le nez puisque sans ça, eh bien à mon avis, il avait les moyens de décrocher le titre de champion du monde. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. 7e place pour Antonin Guigonna, 29e place pour Émilien Jacquelin et 32e place pour Simon Détieux, où ça a été compliqué pour lui. Et en parlant de Martin Fourcade, je vais vous donner ses 2 réactions. La première, ça a été sur son compte Instagram où il a mis une photo et il a mis « J'ai laissé passer ma chance sur ce 3e tir, encore une place d'honneur, on lâche rien avec une belle seconde semaine qui arrive ». Donc voilà pour la réaction sur Instagram et la réaction sur Twitter. Ce sont ces chiffres, ce sont ces résultats, 7, 4, 4, 4, 5, 4, 6 et 5. Et il met les numéros du quintet en 2019. Si un numérologiste trouve une issue positive à cette série, je suis preneur avec un smiley qui rigole et des points pour dire hein, qu'il ne lâche rien. Voilà donc pour les réactions de Martin Fourcade sur les réseaux sociaux. Quentin Fillon-Maillet, lui, a mis des photos où il est très content et on le comprend. Allez, on parle football avec les résultats de la Ligue 1 et le match nul entre Strasbourg et Lyon, 2 partout. Amiens s'est imposé 2-1 face à Nîmes. Dijon et Reims ont fait match nul 1 partout, tout comme Monaco et Bordeaux. Montpellier et Angers ont fait match nul 2 partout. Lille s'est imposé 1-0 à Saint-Etienne. Toulouse s'est imposé 1-0 face à Guingamp. Rennes s'est imposé 3-1 face à Caen. Marseille s'est imposé 1-0 face à Nice en Ligue 2. Nancy s'est imposé 3-2 face à Lorient. Ce soir, Metz reçoit Sochaux. En National 2, victoire d'Épinal à Bobigny 2-0. En rugby, nouvelle défaite pour le 15 de France en Irlande, 26-14. Ça s'est mieux passé pour les filles qui se sont imposées 47-17. En basket, en National 1, défaite du Jet de Vosges à Boulogne, 112-88. En National 3, victoire de Mirecourt face à l'équipe 2 de Nancy, 72-67. Et en Pro B, Nancy justement s'est inclinée à Orléans, 82-71. Un mot de cyclisme avec la Strade Bianchi qui a vu la victoire du Français Julien Alaphilippe. Un mot de handball en Coupe du France, en Coupe de France, pardon, et la belle victoire de Montpellier face au PSG handball et qui se qualifie donc ainsi pour les demi-finales. Un mot avec les championnats du monde universitaire et en slopestyle, Lou Barin, la fille de Stéphane Barin, ancien coach des Gémio, a remporté la médaille de bronze. Un mot de hockey sur glace maintenant avec les playoffs de Ligue Magnus. La série entre Amiens et Bordeaux n'en finit plus. Il y a 3 partout. Match décisif demain soir à Amiens. Et dans l'autre série, Gap s'est qualifié face à Angers. Dans la poule de maintien, Anglette a décroché son maintien ce week-end et a ainsi donc condamné Strasbourg à la relégation. Et en ce qui concerne les playoffs de Détroit, Épinal a décroché le match nul à Reims, 1-0. La qualification se jouera donc à la patinoire de Poissompré le samedi 23 à 18h10. Rendez-vous à tous les supporters. Et on parle tennis maintenant avec le tournoi d'Indian Wells qui a vu côté féminin l'élimination vendredi de Caroline Garcia. Samedi, l'élimination de Kristina Mladenovic par la numéro 1 mondiale Osaka. Hier, l'abandon de Serena Williams. Aujourd'hui, Osaka affronte Collins et Kerber se reposer à Victor. Client Seva, à vos souhaits. Et côté messieurs, l'élimination hier de Adrian Manarino en 3-7 face à Nishikori et l'élimination de Lucas Pouille en 3-7 face à Urquaz. Aujourd'hui, mon fils affronte Ramos Vinolas. Gilles Simon sera opposé à Tim et il y aura également Novak Djokovic opposé à Kohlschreiber. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Claude François et cette année-là. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons. Adieu à Marilyn, au cœur d'or, tandis que Westside battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arriverait cette année-là. Cette année 62 62 Claude François et cette année-là sur RGM. Et ça y est, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. On se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.